je t'ai vu dormir. Et juste après, je t'ai senti frémir. Dans un accès, j'ai bouffé ton sourire. On se connaît. Car on se connaît, car je te connais, te connais, non.